Chapitre 10e. Chavernay est une ville du Berry, distante d'une dizaine de lieues de Saint-Venant. C'est là que demeurait le vieux maître. Il n'était pas riche. Ne pouvant acheter un atelier, il avait demandé et obtenu du maire de la commune la permission de s'installer dans une ancienne chapelle à demi ruinée qui s'élevait au fond de l'ancien cimetière de la ville. Certes, c'était là une étrange demeure, mais elle était moins banale que les petits hôtels des peintres de l'avenue de Villiers, et plus d'un, épris d'originalité et de romantisme, eût envié l'atelier de maître Job. Une porte, aux ais disjoints et privée de serrure, donnait accès dans le vieux cimetière. On n'y voyait plus aucune tombe. Elles étaient toutes enfouies dans l'herbe qui poussait haute, drue et verte, sur ce sol labouré par le fossoyeur. De grands arbres noueux, touffus et foncés de couleurs comme des colosses envahis par la pléthore, en s'alignant, faisaient seuls deviner des allées. Ça et là, une croix de pierre s'élevait au-dessus de l'herbe, mais ses bras disparaissaient sous les lilas fleuris. Des clématites s'élançaient sur les sols et faisaient retomber leur feuillage éploré ainsi qu'une chevelure d'Ophélie. Des rosiers grimpants, aux fleurs pourprées comme des lèvres d'amant, montaient, tordant dans leur amoureuse étreinte, de grands lis souples comme de jeunes vierges, puis se perdaient dans les rameaux noirs des cyprès. La chapelle, petite et sans dépendance, semblait s'affaisser sur sa toiture crevassée. Elle s'éclairait par un vitrail unique placé au-dessus de l'autel. Le temps avait arraché bien des morceaux de verre à leur bordure de plomb. Bien des têtes de saints avaient quitté leur auréole, et à travers les rosaces pénétraient curieusement les branches d'un figuier. Une large bande de lumière, tombant obliquement du vitrail sur les dalles, coupait nettement l'ombre. Tel on voit un rayon d'en haut se jouer sur la tête du martyr prisonnier dans les tables d'église, tel le vieux maître était éclairé devant son chevalet, où il peignait une grande toile représentant Moïse sauvé des eaux. C'était une composition dans le goût ancien. Les personnages portaient le costume du XVIe siècle, et la tonalité générale rappelait les couleurs tendres des anciennes tapisseries. Maître Job était de haute taille. Avec ses longs cheveux gris, bouclés sur le col, et sa barbe assyrienne, il ressemblait à un apôtre. L'œil était resté brillant, mais le front traversé de lignes profondes révélait bien des misères et bien des luttes. Jeune et sans fortune, il avait brillamment concouru à l'école des beaux-arts. Envoyé à Rome, le côté mystique de son talent s'était rapidement développé devant les antiques chefs-d'œuvre de la ville éternelle. Ingres, qui régnait alors à la Villa Médicis, l'avait appris à aimer la ligne et à se garder des couleurs violentes. Delacroix avait été pour lui une sorte d'Attila, pénétrant dans le temple sur un cheval fantastique. Aussi, tandis que ses camarades se lançaient dans le mouvement romantique et arrivaient à la fortune, lui était resté dans la tradition classique, brossant des descentes de croix pour un morceau de pain. Aimant l'archaïsme, érudit dans son art, il avait cherché à ressusciter l'ancienne manière et les vieux procédés. Profondément croyant, les sujets religieux l'inspiraient seuls. Il peignait à fresque des chemins de croix sur les piliers des églises de campagne. Il vendait ses tableaux aux châtelains des environs qui les plaçaient dans leurs galeries et les attribuaient à Léonard de Vinci ou à tout autre du même renom. Enfin, il restaurait, rentoilait et brossait par-ci par-là quelques portraits. Depuis 20 ans qu'il était revenu à la suite de longs déboires, s'ensevelir à Chavernay, il logeait dans une chambre d'auberge. Très frugal, il vivait de peu et ne buvait que de l'eau. On l'aimait dans la ville, et quand il passait, avec son chapeau au large bord et sa longue redingote noire plissée à la taille, selon la mode de 1830, il ne rencontrait que des visages amis et chacun le saluait. Ce n'était ni un raté ni un bohème, mais un illuminé de l'art, n'ayant jamais sacrifié aux idoles et ayant conservé la foi ardente de sa jeunesse. Or, ce matin-là, le vieux maître, tout en travaillant, semblait inquiet. Il songeait à son cher Henri, dont la dernière lettre révélait à la fois un chagrin et le désir de voyager. C'est qu'il l'aimait fort, son jeune élève. Il l'avait connu triste et déshérité, car Henri, ayant perdu depuis longtemps sa mère, trouvait peu d'affection chez son père remarié et très absorbé par le soin de ses propriétés. Le jeune homme, abandonné à lui-même, se consumait lentement et souffrait d'une incurable tristesse. Job, le sentant doué, l'avait tiré de la vie contemplative et de ses études solitaires pour développer le talent original qui se révélait en lui. l'élève avait été rapidement initié. Le maître, voyant que cette nature chaude et sentimentale ne pourrait se développer dans le monde froid et inflexible de l'école classique, s'était contenté de lui donner l'instrument, le laissant en jouer selon sa fantaisie. Henri en était arrivé, au bout de quelques années, à posséder un talent non sans défaut, mais empreint d'une saveur particulière. Il pouvait maintenant acquérir seul ce qui lui manquait encore. Aussi, se disait Job, ce n'est peut-être pas un mal qu'il semble aujourd'hui décidé à gagner Paris. La porte de la chapelle s'ouvrit, c'était Henri. « Bonjour, maître, » s'écria-t-il en se précipitant vers lui. « Bonjour, mon cher enfant. Enfin, vous me revenez. Vous me semblez encore plus pâle. Vous avez souffert là-bas. Dites-moi tout cela, car dans vos lettres, il m'a semblé que vous ne me disiez pas tout. » Et prenant le bras du jeune homme, il l'emmena au dehors sur un banc dont la mousse recouvrait la pierre branlante ainsi qu'un dolmen. Henri lui raconta tout ce qui s'était passé à Mareuil. Il fit sa confession complète. Quand il eut fini, le maître regarda fixement ses yeux. « C'est bien tout, n'est-ce pas ? » demanda-t-il. « Oui. »« Eh bien, mon ami, il était temps pour vous de partir, non pas à cause de Lady Clarkson, qui n'était pas dangereuse, étant donné votre nature, mais à cause de la femme de votre ami. À la façon dont vous venez d'en parler, je vois que vous alliez l'aimer, et ce serait mal. » Réfléchissez bien avant de jamais vous laisser aller à aimer. Ce ne sera pas toujours un sentiment doux comme celui que vous éprouvez. Non, le jour où l'amour éclatera dans votre cœur, ce sera avec d'autant plus de force qu'il aura été longtemps comprimé. Il vous prendra tout entier et vous entraînera irrésistiblement. Toute votre vie se jouera à cette heure-là. Si vous aimez une femme qui soit digne de vous et qu'il soit permis d'aimer, vous trouverez une plus grande somme de bonheur que tout autre. Mais si vous vous heurtez à quelque impossibilité ou à quelque déception, vous subirez des ravages irrémédiables. Prenez garde. Le talent au cœur de l'artiste est comme la lampe d'un sanctuaire. J'en ai connu beaucoup chez lesquels la main d'une femme a fait la nuit, une nuit sans réveil. Je crois qu'il vous faut changer d'air. Allez donc à Paris, mais gardez-vous de toute passion. Comme un dieu, l'art est assez grand pour remplir votre pensée. N'y mettez rien d'autre. Chassez tout ce qui ne sera pas lui, car seul il vous donnera de pures jouissances et ne vous trompera pas. Aimez la Joconde de Léonard de Vinci et vous la trouverez éternellement belle. On vit de ces sortes d'amour, tandis qu'on meurt souvent des autres. À ce moment, ils entendirent sur la route les sons d'une cornemuse. Et bientôt, par la porte du cimetière entr'ouverte, ils virent s'arrêter des mendiants italiens. Ils étaient trois, le père et deux enfants, garçon et fille. Le père jouait de la cornemuse. Les enfants dansaient, mais la petite, apercevant des marguerites, franchit la porte pour en cueillir. « Tu cherches donc des fleurs ?» demanda le vieux maître. « Oui, signor, et aussi du pain. Tu as donc faim et soif aussi. Ah, eh bien, dis à ton père et à ton frère d'entrer. Il faut soulager ces bonnes gens, Henri. » Le jeune homme sortit et revint avec une voisine, apportant sur le banc de quoi satisfaire la faim et la soif des trois mendiants. Ce qu'ils firent aussitôt. L'Italien s'assit à côté du peintre. Celui-ci avait parcouru l'Italie, cette grande botte, du revers à l'éperon. Ils parlèrent du pays. Les histoires et les souvenirs revenaient en foule. Le petit garçon et la petite fille parlaient de leur maman qui les attendait là-bas. « Voyez-vous, Henri, dit le maître, ces braves gens sont des modèles qui viennent de Paris. Vous verrez derrière le jardin des plantes la cité où vivent les nourrissons de la Louve du Capitole. » Les hommes jouent de la cornemuse ou de la flûte de Pan, et les enfants dansent dans les cours. Les femmes sont modèles. Elles posent dans les ateliers moyennant 5 ou 10 francs l'heure. Les hommes et les petits exercent à l'occasion la même profession. Toutes les divinités mythologiques qu'on voit dans les tableaux classiques, toutes les sultanes des peintres orientalistes, sortent de là pour aller s'encadrer au salon. Plus d'une de ces Italiennes, vêtues de haillons pourprés, peuvent voir leurs portraits accrochés dans les musées de province sous le titre d'Omphale, Francesca de Rimini ou Ophélia, avec l'étiquette sacramentelle, très rare, donnée par l'État. Quant aux Italiens, on a modelé à leur image les fleuves barbus qui ornent les jardins publics. Les faunes, les sylvains, les prométhées sur un roc, les ixions sur la roue, que les artistes pétrissent dans la glaise ou taillent dans le marbre, sortent de la cité de la rue Cuvier. Tous les ans, ces pauvres gens s'arrachent au pays natal pour aller s'échouer dans le Paris noir. Quand ils ont amassé quelque argent, Ils reprennent le chemin de l'Italie et s'en vont, comme ceux-ci, à travers la campagne, payant le pain qu'on leur donne avec de la musique. « N'est-ce pas, l'ami ?»« Oui, signor, » dit l'Italien, « et nous dormons à la Belle Étoile, à la gare de la Madone de chez nous. » Repos et rassasié, l'Italien voulut payer l'hospitalité qu'on lui avait offerte. Il tira de sa ceinture une sorte de flûte antique et la porta à ses lèvres. L'instrument poussa quelques plaintes comme un enfant qu'on éveille, puis commença un chant si léger qu'on l'entendait à peine. Le son s'éleva. Il fut d'abord triste et tremblant comme une prière. Il disait les douleurs de l'exil. Puis il devint doux et suave comme une brise de printemps. Il disait les beautés du pays natal, la maison perdue sous les orangers, les lauriers roses, le soleil, les fleurs, la mer. Enfin, son chant monta comme s'il eût voulu escalader le ciel, puis retomba en notes brillantes et perlées, comme si toutes les étoiles se fussent précipitées de la voûte bleue dans les flots de l'Adriatique. L'Italien avait cessé de jouer et les deux amis l'écoutaient encore, émerveillés, ravis. « C'est l'air que je joue tous les ans à la fête de la Madone, » dit-il en remettant la flûte à sa ceinture. Il avala un dernier coup de vin, rejeta sa cape sur son épaule et dit au revoir à ses hôtes en les priant, s'ils traversaient jamais l'Italie, de s'arrêter dans sa maisonnette, au pied du mont, sous les lauriers en fleurs. Henri embrassa les petits. Ils partirent. Ils agitaient leurs chapeaux en criant « Merci, signor, merci !» Longtemps le jeune homme les regarda s'éloigner. Le père avait repris son instrument, et les enfants dansaient en frappant des mains et en poussant des cris joyeux. Bientôt on n'entendit plus le son de la cornemuse. Les Italiens disparaissaient dans la poussière d'or qui s'envolait sur la route, bien loin, là-bas, du côté de leur patrie, du côté du soleil. « Je voudrais pouvoir les suivre, » dit Henri, « et gagner Rome avec eux. »« Pas encore, » répondit Job. « Allez à Paris d'abord. Je vous donnerai une lettre pour un peintre de mes amis. » Il vous fera entrer promptement dans le mouvement artistique. Vous fréquenterez son atelier, où vous pourrez prendre rapidement la note. Vous travaillerez d'autant plus facilement que votre indépendance est assurée par la pension que vous fait votre père. Vous n'aurez pas, comme tant d'autres, le souci du lendemain, et vous pourrez produire à loisir. Bientôt vous aurez un atelier à vous. Quand vous vous posséderez bien, et que votre imagination se sera fixée sur un sujet, concentrez-vous tout entier sur lui. Marchez sans vous préoccuper d'imiter ceci ou cela. Soyez vous. Par ce moyen, vous produirez une œuvre qui ne sera pas sans défaut, mais qui donnera votre note particulière et fera ressortir votre personnalité. Le jour où vous exposerez au salon, j'irai voir cela. Quoique j'aie depuis 20 ans secoué la poussière de mes souliers aux portes de Paris en me promettant de n'y jamais rentrer. Quand partirez-vous ? Demain. Demain, c'est bientôt. Enfin, je comprends votre impatience. Il vous faut du nouveau. Mais une dernière fois, mon cher enfant, laissez-moi vous répéter encore qu'il faut constamment regarder le but, se fixer un idéal et marcher vers lui sans défaillance jusqu'à l'heure dernière. Rappelez-vous le mot de Préau. L'artiste est celui qui voit plus haut et plus loin que les autres hommes. Voyez-vous cette étoile ? Dit-il au vulgaire. Non. Eh bien moi, je la vois.